Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Chers auditeurs de CISM, et oui, tu écoutes le 89.3, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet. Ça, c'est moi, ça. Je suis bien enchantée pour tous ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent l'émission. Oui, je critique les foules. Et c'est toujours merveilleux de vous croiser aussi dans la foule, chers auditeurs. Alors, il y aura un peu de toi parce que je parle de l'Igloo Fest. Et visiblement, c'est un événement bien apprécié par les auditeurs. Et sinon, ben écoute, il y a de la crowd partout, dans le métro, des sosies. Je perce mes pantalons, fait que je te jase de tout ça. Ça, c'est deux anecdotes différentes, là. ça va pas tout ensemble. Et aussi, mon Dieu, je jase souvent toute seule à mon émission, mais non! Cette semaine, je vais aussi jaser au téléphone avec Nicolas Cournoyer, qui est un des fondateurs de l'Igloo Fest. Alors, voilà, du fret, de la magie, de la folie. Ah non, cette semaine, je suis pas en train de parler de métal et pas beaucoup de mosh pit. Mais quasiment, c'est à suivre. Mais j'ai quand même pensé à toi, cher métalleux. J'ai fait une belle découverte cette semaine avec le groupe Carnon. Et on va écouter leur nouvel album, Le Temps Sombre, avec la chanson La Vierge Noir. Bonne écoute. Ah! J'espère que cette merveilleuse mélodie t'a énergisé, Crowd de Carnan, avec la chanson La Vierge Noire sur leur album Le Temps Sombre. Hey, critique de Crowd! Oui, je fais surtout de la critique de spectacle, de façon générale, parce que je trouve que c'est la plus belle foule qu'on peut retrouver quand tu danses, quand tu t'énerves, quand tu bois de la petite bière et d'autres breuvages tout aussi excellents comme de l'eau. Tu sais, ah, mon Dieu, c'est rare qu'on voit comme en spectacle quelqu'un boire un énorme pichet d'eau, mais ça, ce sera pour une toute autre critique. C'était tout simplement pour vous dire que je vois de la foule partout. Nécessairement, quand on prend les transports en commun, c'est une des places idéales. Et je suis incapable de sortir du concept, on dirait, de la crowd. Je l'observe, je la regarde et parfois aussi, je la reconnais. J'étais au métro Jean Talon. Je marche, le quai, tu sais, c'est tranquille. Tu vois très bien les gens vers 10h30 le soir, là, c'est pas l'achalandage. Et je vois au loin une connaissance. Je fais « Hé! Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. » Je suis quasiment excitée de pouvoir le revoir, dire comment ça va, que se passe la vie. Plus j'approche, marche, il fait rien. Et je me dis « Ben voyons donc, il me reconnaît pas! » Je t'insulte! J'étais vraiment insultée. Je me disais, hey, fais-tu que c'est prêt? Comment ça se fait qu'il me reconnaît pas? C'est impossible. Tu sais, toujours des niveaux de on se connaît parce qu'on s'est vu une fois à Quaticook, puis ça fait une anecdote incroyable, mais pas assez peut-être pour te redire bonjour dans la vie. Mais il y a aussi des connaissances comme, ben là, tu sais, je t'ai vu plusieurs fois, des amis communs. Oui, vraie connaissance. Alors là, visiblement, le gars est quand même interpellé par mon visage et surtout mon regard rempli de. Ben voyons donc, tu me reconnais pas? Là, il dit, on est supposé se connaître. Je fais comme, oh, c'était pas lui, c'était pas, c'était son sosie. Là, j'ai dit, excuse-moi, j'étais vraiment prêt pour quelqu'un d'autre. C'est assez incroyable parce que tu y ressembles vraiment, mais vraiment beaucoup. Et c'est au moment qu'il m'a dit, il s'appelle-tu Carl Vincent, celui que tu pensais que j'étais? Je suis vraiment restée surprise. Oui, effectivement, c'était le sosie de Carl Vincent que j'ai croisé. Mais c'était un peu étrange. J'ai fait comment ça, il connaît? J'ai fait, ben oui, c'est vraiment, j'ai vraiment pris pour Carl Vincent. Il a fait, je le connais, mais je le connais pas. Le gars a rencontré son propre sosie par, encore une fois, connaissance interposée. Et ils ont été un peu matchés sur Facebook. Alors, leur ami commun leur a fait un Photoshop où ils se tiennent par le cou de façon camarade. Fait qu'ils se sont jamais rencontrés, mais ils ont une photo ensemble. Depuis ce temps-là, le gars, il sait qu'à Montréal, il y a un sosie qu'il n'a toujours pas rencontré. Je trouve ça vraiment merveilleux. D'autant plus que son sosie à Carl, il s'appelle Sergio et il vient de Naples. Et je capote. Avoir, moi, dans la vie, je sais pas si j'en ai un sosie. Paraît-il qu'on en a tous un sur Terre, quelqu'un qui serait, disons, avec un peu d'imagination, à la limite, là, mais le plus proche possible d'être ton sosie. Mais quand t'as un sosie exotique, ah, c'est merveilleux! Tu sais, je veux dire, ton sosie, c'est ton voisin, vous habitez tous les deux Verdun. C'est pas la plus grosse anecdote, mais même il s'appelle Sergio. Il a décidé d'habiter au Québec. C'est un musicien. C'est parfait. Je trouve ça beau. Je pense que j'ai un peu fait de la transposition dans ma tête. Je me disais, moi, si j'avais une sosie, je pense que j'aimerais ça qu'elle habite à Kiribati. Parce que, tu sais, c'est une île. Pas hyper connue, mais c'est très joli. Ils ont surtout un très beau drapeau rouge et bleu avec un oiseau. Ça donne le goût d'aller visiter cette île obscure. Et c'est pas juste là que s'arrête cette anecdote-là, Crowd. Parce que oui, je trouvais que c'était déjà beau et cocasse en soi. Traverse la ligne pour me rendre dans mon merveilleux Hochelaga Maisonneuve. Je m'assois dans le métro. Il y a quelqu'un, sans blague, qui me dit « Excuse-moi, je t'ai vraiment pris pour quelqu'un d'autre. » Je dis « Wow! C'est une chaîne sans fin de tout le monde qui se prend pour les sosies de quelqu'un d'autre. » J'ai dit que je trouvais ça justement assez incroyable parce que je venais de rencontrer le sosie de quelqu'un d'autre. Et on est venu au concept. À vrai dire, le charmant jeune homme que je n'ai même pas demandé son nom. Ouais, je suis pas polie de même dans la vie. Mais bref, j'ose croire qu'il était photographe aussi à temps partiel ou à temps plein. Parce qu'il a dit que ce serait intéressant comme concept. Pas juste de prendre des sosies ensemble. Parce que oui, c'est un concept photographique déjà connu. Mais de prendre des gens avec des traits relativement communs et d'en faire un grand portrait de famille. Et en même temps que le concept est très joli, il y a comme quelque chose de triste, me dit « Ouais, finalement, tout le monde se ressemble dans le crowd. » Ouais, hey! ça me fait penser, chers auditeurs, si jamais vous avez vraiment rencontré votre sosie dans la vie, je serais vraiment curieuse de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que c'était désagréable? Je fais des blagues en disant que j'aimerais ça qu'elle vienne de Kiribati, là, mais en vrai, je pense que je serais choquée un peu. Je serais comme, t'as volé ma face! Je le prendrais. Je le prendrais mal 30 secondes, puis après ça, je pense que je voudrais qu'elle devienne ma meilleure amie. Là. Fait que je pense que c'est un petit peu ambivalent ma relation avec les sosies. Mais ouais, si vous l'avez déjà rencontré, écrivez-moi sur le Facebook de Critique de Crowd. Ou si vous êtes vraiment old school, mais tu peux m'envoyer un courriel. C'est bien le fun de te lire en courriel, Crowd. Hey, sur ce, j'ai des merveilleuses chansons tout à fait douces et sympathiques qui portent les mots sosie dans leur titre. Alors, des saucisses de Vendôme, j'ai l'air de dire saucisse. Ça, c'est parce que l'autre, c'est vraiment un jeu d'articulation. Saucisse, saucisse, saucisse. Ça, c'est Dylan Municipal. Puis vu que je l'ai dit tout croche, ben, t'iras sur le site de CISM lire le titre. C'est si inouï. Bandana, bandana, bandana, bandana. Cardona, c'est un mot qu'on ne risque pas de confondre avec souci. Alors que saucisse, on peut. Quand on a des soucis, on met un bandana pour impressionner son adversaire. Le bandana fait disparaître tous tes soucis. Au barbecue, si les saucisses sont trop juteuses, propose ton bandana aux ladies soucieuses. Comme un gentleman rocker, un hardos de bonne aloi. Saucisse et sosie. Yay! Yeah! Ça paraît que j'ai pratiqué durant la chanson pour mieux vous présenter Dylan Municipal. Et vous avez aussi entendu Vendôme avec sa chanson des sosies. Hey! Moins de sosies, mais tout autant de transports en commun comme je l'adore tant. Ben oui! Plein de belles foules, c'est agréable. Plein de mouvement collectif, d'écologie, tout ça ensemble. Et surtout critique de crowd, en l'occurrence, Jolaine Ruet, parce que là, c'était vraiment juste en mon nom personnel que j'ai couru comme une tatate après l'autobus. Ça m'a rappelé une théorie, justement, en voiture. On dit, comme sur l'autoroute, arrêtez de conduire à 110, parce qu'au final, qu'est-ce que vous allez gagner comme temps? C'est peut-être juste 15 minutes. Et c'est vrai, quand je fais Montréal-Trois-Rivières en covoiturage, quand ils vont rouler plus que ça, ben ouais, on gagne juste un quart d'heure. Puis c'est toujours un quart d'heure. On est heureux d'avoir gagné du temps dans notre vie, mais c'est jamais le quart d'heure où t'as fait de quoi d'hyper pertinent non plus. Fait que ça relativise toujours. Reste que, dans ma course, je crois que j'aurais dû modérer le pas pour ne pas planter complètement par terre et déchirer mes pantalons. Je sais que ça a pas l'air d'être le plus grand anecdote. C'est pas la plus grande anecdote que j'ai contée à date sur les ondes de CISM, mais je chignais, hey, c'était pas drôle, il y avait de la petite garnotte. Je me sentais vraiment tatate d'avoir juste comme couru sur la glace, mais tout ça est dû à la crowd. Je m'explique. Durant l'Igloo Fest, j'ose avec la foule, c'est bien sympathique, et il y a une vendeuse de souliers qui était visiblement très en congé. était visiblement très en congé parce qu'elle me dit « Hein, t'as des docks d'hiver, est-ce qu'elles sont bonnes? » Parce que moi, je les vends à ma job, mais c'est pas vraiment des bottes d'hiver. Ils sont pas antithérapantes. À vrai dire, sont assez mauvaises pour les hivers québécois. Ça a été pas mal ma réponse. J'étais un peu paralysée à me dire, ben voyons donc, j'ai fait un mauvais choix. Ah, je vais toujours me péter la gueule jusqu'à restant de la fin de l'hiver. Pour de vrai, j'ai dit que, ben sur le coup, j'ai dit, ben ils vont bien, hein, ils marchent, sont chaudes, clientes satisfaites avec des pouces en l'air. Mais quand est arrivé le moment de courir après l'autobus, mon premier réflexe a été de repenser à la foule, à repenser à cette vendeuse en congé qui m'a dit, ah, oh, mais ils sont pas antidérapantes. Fait que ça, là, ça jouait dans ma tête et psychologiquement, je sais que je suis tombée parce qu'il y avait cette pression de cette vendeuse qui m'a fait réaliser que, ah, oh, mon Dieu, celle qui me les a vendues m'a menti! Pendant que je saignais et que je me disais, ah, oh, Jolene, t'as scrappé tes pantalons, je me suis aussi rappelée de la crowd au secondaire. Ben là, ça trahit un peu mon âge. J'étais pas adolescente dans les années 90, c'est la vraie époque grunge. Alors, à mon époque, à moi, c'était pas du tout à la mode d'avoir les pantalons troués. J'étais la seule sur, ben, je vous dirais, toute mon année. Et c'était une grosse polyvalente. On était quoi, 2000? Je sais pas si c'est une grosse, mais en tout cas, en région, à Trois-Rivières, comprends-tu? C'est une grosse polyvalente. On était peut-être deux à avoir les pantalons troués. Ça avait beaucoup de commentaires, beaucoup de jugement. Et surtout, faut que je l'avoue, j'étais coquette, c'était des faux trous. Je faisais des faux trous dans mes vrais pantalons, vraiment neufs. Parce que, ben vois-tu, on est jeune et fringant, là, je veux dire, t'as 14 ans, là, t'as pas eu le temps d'avoir une vie pour vieillir tes pantalons, là, t'sais, t'as besoin d'un quart d'heure, puis il faut que ça soit troué là. Fait que, ouais, il fallait que ça se passe vite maintenant. Et le monde me disait souvent, est-ce que tu coupes tes pantalons? Et c'est vrai que je les coupais pas, alors à chaque fois, je répondais non, et c'est vrai, je faisais juste un mensonge par omission, là, je faisais... La vérité, crowd, si tu veux avoir des vieux pantalons vraiment faussement neufs, vieux, t'as compris ce que je voulais dire. Le truc, c'est de les sabler. J'ai l'air drôle, mais c'est vrai, ça donne vraiment un meilleur résultat parce que ça vient comme tout effilocher le tissu, tandis que le couper, mais ça va prendre quand même une coupe de lavage avant que ça ait l'air un peu naturel. Alors, j'étais là dans l'autobus en train de me dire, t'as passé un minimum de quoi? 5 ans de ta vie à faire les faux trous dans tes pantalons. C'est aujourd'hui, maintenant, quand ça te tente pas tant que ça, l'hiver fait frette, tu saignes, que t'as des vrais trous dans tes pantalons. Des vrais trous. Des vrais trous aux bonnes places! Parce que, pour ceux qui écoutent vraiment souvent l'émission, parce que ça date d'il y a même plus qu'un an, 2 ans, quand je suis allée voir les Black Lips, j'ai déchiré mes pantalons en faisant du stage dive. Oui, à cause de la foule. Parce que mes pantalons étaient trop serrés, étaient un peu cheapettes, parce que j'achète tout de seconde main. Et le seconde main a déchiré direct à mauvaise place, à l'entrejambe. Puis pas un petit trou, là, de bord en bord. Alors, ouais. Voilà, la semaine dernière, j'ai officiellement des pantalons troués naturellement. J'étais quasiment fière, quasiment nostalgique de mon époque adolescente. Et voilà aussi, vous avez un merveilleux truc, crowd, pour économiser, parce que maintenant, c'est revenu à la mode, puis ça me fait capoter dans les magasins, et c'est toujours plus cher quand ils sont troués, puis ils font juste comme passer le ciseau dedans, ah! Non, je suis choquée. Économiser, puis sabler. Et surtout, n'écoutez pas les vendeuses en congé à l'Igloo Fest, parce qu'ils vont faire des confessions que vous n'allez plus assumer jusqu'au restant de l'hiver. Alors, pour continuer avec cette thématique, Jeans, Mom Jeans, qui est en spectacle, ça va être très, très fou. J'y serai pas, fait que ça sera très, très fou aussi que tu me racontes qu'est-ce qui se passe dans la crowd. On va écouter la chanson « Dormir sous ». Pendant 5 secondes, on n'a jamais été aussi tête. C'est bon. Oh, God! que ça devient nice. Ce que j'aime bien des chansons de Mom Jeans, on sent vraiment dans leur local de pratique. Qui jase avant, après les chansons? Hein? On se sent parmi eux. Mom Jeans qui seront en spectacle avec Crab et les Bagnards pour le 30e anniversaire du Quai des Brumes. Ben oui, ça va être au Quai des Brumes ce samedi. Tout plein d'autres suggestions de spectacles, entrevues, un concours et tout plein d'Igloo Fest. Tout ça après les publicités parce que vous écoutez Critique de Crowd au 89.3. Le carnaval sur l'île des Moulins à Terrebonne présente Gèle ton week-end. Deux soirées exclusives à ne pas manquer. À la Claire Ensemble et Claude Bégin le vendredi 29 janvier. Feisty et Pierre Quenders le samedi 30 janvier. Achète ton passeport pour les deux spectacles pour 10$ sur illedesmoulins.com. C'est déjà l'heure du troisième week-end d'Igloo Fest. Venez danser en plein air au son des meilleurs DJ locaux et internationaux. Au platine ce week-end, Black Tiger Sex Machine, Carl Craig et Al Ester, Gina Turner, ID, Mister Oiseau, Sébastien Léger et plusieurs autres. Igloo Fest, c'est tous les jeudis, vendredis et samedis du 14 janvier au 6 février au Vieux-Port de Montréal. Pour les billets, rendez-vous sur notre site web ou à notre Igloo Boutique. Toute la programmation au igloofest.ca. On s'y voit! Le mardi 2 février, c'est la soirée porte ouverte à l'Université de Montréal. Vivez l'expérience universitaire, rencontrez des étudiants engagés et découvrez nos programmes d'études. C'est un rendez-vous, mardi le 2 février, de 16h à 20h, au CEPSUM. Plus d'infos, admission.umontréal.ca. Bonjour, bonsoir, salut à tous. Ici La Bronze. Sache que tu écoutes la radio, et pas n'importe laquelle. CISM. Brabababa. Dis-moi que la tempête me baisse, que l'univers me caresse. Et bonjour tout le monde, ici Quentin Bateau. Vous écoutez CISM 89.3, la marge. S'enchaînent tandis que les regards débiles se déchaînent. C'est Panda Lyon vous invite à découvrir leur nouvel album Atone le mardi 2 février à la Cinémathèque québécoise. Plongez dans l'univers de Panda Lyon avec une écoute intégrale du disque et des images inédites. Atone de Panda Lyon. En pré-vente maintenant. Cette semaine, dans la soirée Don't Tickle Moonshine à la SAT. Samedi dès 22h, éclate-toi sur les rythmes Afro House de Bambi, Pierre Quenders, J.U.D. et Ben Include. Rasant plein les yeux dans la SATO, sous les visuels de création Ex Nihilo et Asile. Informations et billetterie sur sat.qc.ca. Tame Impala s'en vient à Montréal le 12 juin au Centre Bell. Faites l'expérience du paysage sonore à l'épreuve des genres de Tame Impala Live qui joueront leur nouvel album, Currents, mettant en vedette les hits Let It Happen et The Less I Know, The Better. En vente ce vendredi 29 janvier à midi. 1-855-310-2525 ou evento.ca. Tame Impala, Centre Bell, 12 juin, présenté par Evento. Salut, ici Guillaume Beauregard. Vous écoutez les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal. CISM 89.3. Peu importe la manière, peu importe les ombres et la lumière, toutes les blessures du temps sur la conscience, toutes les raisons de confesser la démence, à toutes les minutes et à toutes les... Vous écoutez CISM 89,3 FM. Vous venez d'entendre Au Crocodile du groupe Hidalgue avec leur album Post-Dynastie. C'est leur lancement ce soir, alors allez-y au Ritz PDB. Et il y aura Mike Lines et DJ Mathieu Bonséjour. Alors on dit bonjour et on dit bonjour à tous les anciens de la station de CISM. Oui, on vous cherche, il y a plein de pubs qui disent qu'on vous cherche comme Où est Charlie, là, fait que répondez à l'appel. Et... répondez à l'appel aussi du lancement de la programmation qui a eu lieu hier. Soyez présents, chers auditeurs, pour ce merveilleux 25e anniversaire de la station. Hidalgue fait pas juste un lancement aujourd'hui. En effet, oui, mais ils vont aussi être en spectacle dans cette merveilleuse programmation. Alors, c'est excellent, c'est merveilleux. Et pour tous les autres groupes, bien, je t'invite à aller visiter le site de CISM ou tous les autres événements là, qu'ils mentionnent sur les internets. Aïe, aïe, aïe, ça se propage. Alors, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Et il y a tout plein d'autres suggestions de spectacles cette semaine. Ben oui, de la variété. Pour ce soir, ben je viens de te le dire, Hidalgue, je surenchéris. Vas-y fortement. Parce que moi, je peux pas. Puis je suis vraiment déçue. Ça va être clairement un bon spectacle. Je les ai vus rapidement à Pop Montréal. Et oui, tranquille, mais du monde bien, bien attentif dans cette foule. Vendredi, Analog Addiction vous présente Hardlets qui font un lancement d'un EP. Et il y aura aussi comme groupe Dermkeen and an Incredible Woman et Ghost Vines. Samedi, écoute, quand je te dis qu'il y a plein de retrouvailles de CISM, pourquoi attendre quand tu peux déjà nous retrouver? Ben oui, samedi, c'est présenté par CISM et il y aura DJ Poirier. Ah, ben oui, encore un ancien de la station. Puis on est heureux d'être contents que ça va être magique avec des glaçons. Oui, gros glaçons de CISM, retrouvez-vous toutes là puis ayez beaucoup de plaisir. Dimanche, je ne suis toujours pas allée à l'école privée. Je suis vraiment intriguée. Et il y a Clapton qui va jouer là-bas. Alors, ouais... Ramène les critiques de Crowd, chers éditeurs. Je suis vraiment curieuse. Lundi, c'est pas mon genre, Amélie, mais au Vert Bouteille, je crois que ça peut être une très, très belle ambiance. Et je trouve que c'est un beau lundi, sortie de couple, Vert Bouteille. Je trouve ça très joli. Mardi, Wet au Ritz encore et toujours, le Ritz. Et finalement, mercredi, va visiter le Beau-Belmont, puisqu'il y a Netsky. J'allais dire Netsky, puis j'étais comme non, ça marche pas pantoute, Jolene. Hey! On continue avec les chansons du palmarès francophone de CISM. Ils viennent de rentrer cette semaine. Portage en 26e position avec la chanson Parasol. Ce sera suivi de Pandacide avec son nouvel album L'Homme Escabeau et la chanson Voiture de course. Et après ça, ben on jose au téléphone! À tout de suite! See you. Alors, vous écoutez toujours CISM. Nicolas, m'entends-tu? Nicolas! Hé là là, ça c'est Critique de Crowd, la technologie qui est pas au rendez-vous. Hey, on va continuer tout de suite en musique et je vais régler mon problème de téléphone tout de suite. Il va être en spectacle ce soir à l'Igloofest. Alors, Monsieur Oiseau, positif, c'est fou. La chanson, je l'ai écoutée comme au moins 10 fois aujourd'hui. Alors, j'ai hâte. Et en même temps, comme vu que je connais pas la musique électronique assez, je sais pas s'il va jouer la tune, il va juste faire un mix DJ. Ah, ça, c'est un grand mystère. Alors, positif, Monsieur Oiseau. Arrêtez de vous reproduire. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Crever. Thank you. sauvage. J'espère que vous avez adoré, apprécié Monsieur Oiseau. Et prise 2 avec Nicolas Cournoyer. Je crois que là, on s'entend mutuellement. Ben, j'espère que oui. Moi, je vous entends. On t'entend également. Merveilleux, merveilleux. Vois-tu... Musique électronique, technologie, téléphone avec un fil, ça n'a pas été efficace pour tout de suite. Mais ce soir, ça va être tout à fait efficace pour bien fêter le 10e anniversaire de l'Igloo. Déjà, bonne fête en partant. Merci beaucoup. Et d'où est venue l'idée? Parce que vous êtes aussi, je dis vous, parce que vous êtes quatre fondateurs des pique-niques électroniques. C'est quand que vous êtes arrivé l'idée de se dire, tant pis le show, ayons frette? Bien, on essaie de trouver, en fait, on voyait que pour le pique-nique électronique, il y avait une super bonne réponse. Des gens, ça comblait un vide. On s'est dit, ben, y a-t-il moyen de pouvoir transposer ce concept-là dans divers univers? On l'a fait à Cabane à sucre pendant quelques années. Et puis, évidemment, à Cabane à sucre? Oui, on a organisé des autobus jaunes dans une cabane à sucre. On montait une scène dans le stationnement. Puis là, tu avais le mélange du urbain et du folklorique. C'était assez fou. On a fait ça pendant 5 ans. Puis, ben, un autre des classiques folkloriques ou pas, c'est l'hiver. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas? Après ma barre, c'était une idée un peu folle. On se disait, ben, les mamans ne sortiront pas. On se trompait, puis heureusement, parce qu'on essaie de le faire, mais on venait combler un besoin aussi. En hiver, il n'y a pas tant d'événements qui sont extérieurs, qui sont festifs, qui allient le côté, justement, party, puis musique. Puis, ben, on a donné une bonne raison à tout le monde de sortir et apprécier les rigueurs de l'hiver. Surtout quand tu dis les rigueurs de l'hiver, il fait frette au Québec, mais il fait encore plus frette au Vieux-Port avec toute l'humidité. Pourquoi le Vieux-Port? Pourquoi le Vieux-Port? Ben, en fait, il y a un ancêtre à l'Igloofest, c'était le pique-nique électronique des neiges. On l'a fait pendant 2 ans dans le cadre de la fête des neiges au parc Jean-Drapeau, qui était proche de notre terre natale du pique-nique électronique. Puis on a été approchés par les gens du Vieux-Port pour faire un événement de même nature, parce qu'après ces 2 années-là, il y a eu des coupures à la ville, c'était plus possible. Puis ben c'était un beau terrain de jeu. Puis encore là, le côté est à l'extérieur, mais le côté urbain, très entrepôt métallique, toutes les structures qu'il y a au Vieux-Port, on trouvait que ça se mariait bien avec la musique électronique. Hey, c'est merveilleux, je savais pas qu'avant c'était avec la fête des neiges qui est à vocation pour les enfants. Et c'est drôle parce qu'il y a encore les glissades, il y a encore quelque chose de très cœur d'enfant à l'Igloo Fest. Oui, c'est effectivement resté. Puis bon, quand on a décidé de créer cette première édition-là du pique-nique électronique des neiges, bien, c'est ce qu'on voulait, c'est que les gens retombent en enfance, puis qu'ils en profitent, puis qu'il y ait des activités, puis ça s'est poursuivi dans le concept des Gloufesses. On a gardé ça. Le concours de One Piece était là aussi dans les premières éditions, puis on l'a bonifié, travaillé. Puis maintenant, c'est l'espèce d'ambiance carnaval qu'il y a à l'événement, ben ça contribue beaucoup à l'énergie et à l'atmosphère de l'événement. Fait que, oui, on apporte le côté musical, oui, on apporte le côté jeu, activité extérieure, mais le public donne de la couleur vraiment à l'événement, puis ils sont contents parce qu'année après année, on va chercher d'autres adeptes. Oui, ça, c'est moi-même, je l'avais en tête, le mot carnaval, fête, ça existait depuis le début, le concours du One Suit, oui. Quand même. Oui, parce que la devise, c'était, bon, bien, OK, sortir en hiver, tout le monde avec une tuque, un foulard, on a tous l'air un peu fous, puis on s'est dit, la maxime, c'est le ridicule ne tue pas. Fait que, autant pousser le délire à l'extrême, on s'est dit, bien, demandons aux gens de sortir le vieux habit haut du coude de skido, fluo, flash, de ski, vieux harnais, machin, puis on voulait amener un élément de folie. Puis, ben, c'était très payant pour nous parce que les gens ont embarqué. Puis, de nos jours, les gens fabriquent. On a des thématiques pour le concours de tapis de neige à chaque année. Là, on met des thématiques depuis 2 ans. Les Gloubling, c'était la semaine passée. Le rétro-fluo. Ça fait en sorte qu'on va chercher, en tout cas pour ceux qui sont super motivés, là, une étape de plus dans leur préparatif. Là, il y a des gens qui confectionnent des habits qui sont hors pair. Oui, oui, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'était bling-bling. Alors, il y avait beaucoup de bricolage et beaucoup de peinture dorée qui est passée par là. Oui. Dans la première édition, c'était 4000 spectateurs, 2 jours de festival. Et cette année, pour le 10e anniversaire, vous avez décidé de garder la même configuration des scènes comme à la première édition. C'est un grand vent de nostalgie, tout ça? Mais pas pour le nombre de spectateurs, par contre. Là-dessus, ça va être juste en agrandissant. Oui, bien, en fait, ce qu'on a surtout voulu, c'est réaménager le site. Parce qu'après après 10 années, ben, puis on a toujours évolué, grandi le site en fonction du nombre d'assistances, puis qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent et participent à l'événement. Mais on voulait donner un électrochoc, puis de brasser. Puis effectivement, on a interverti les scènes. Et ce qui se trouve à être la deuxième scène, la scène Vidéotron Mobile, est à l'emplacement où la scène principale, il y a 10 ans, était. C'est effectivement un clin d'œil à notre première édition. Et justement, à faire, disons, un retour au passé, il y a toute une évolution musicale sur la scène électronique à Montréal. Je pense au Piu Piu. Il y a eu quoi comme sentiment d'évolution pour l'Igloo? Ça a été, disons, en corrélation avec tout ce qui se passait à Montréal? Parce qu'en même temps, vous avez beaucoup d'invités internationaux. Oui, en fait, nous, on est nés de la scène montréalaise musicale. C'était les premiers balbutiements de Picnic et des Gloufest. C'était principalement des artistes locaux. Fait que nous, ça a toujours été important. Après quelques années, avec un peu plus de notoriété, c'est clair qu'on est allé chercher des artistes qui viennent d'ailleurs pour bonifier notre programmation. Puis on sentait qu'on délaissait quelque peu la scène locale. Et c'est pour ça qu'on a ajouté et au Picnic et à Igloo une deuxième scène où là, on va vraiment mettre en vedette des étiquettes, puis ben on suit les courants, on suit les crews, pour utiliser le mot anglais, puis ben on le voit depuis le début, là, je dis, le talent montréalais est assez incroyable, puis ben ça va varier dans les déclinaisons de musique électronique, là, des fois c'est vraiment plus du traditionnel électronique, et des fois avec des scènes qui vont métisser avec le hip-hop, avec le R&B, ben on a de plus en plus de cette scène-là montréalaise qui est omniprésente, puis qui font les petits aussi à l'extérieur. Oui, c'est drôle parce que là, on parlait de Montréal, et durant l'hiver, même les jours hors festival, je trouve qu'il y a quelque chose de très gloufesque, étant donné que les gens portent les tucs de l'Igloo. Vraiment, il y a un sentiment d'appartenance, je trouve, avec la crowd et l'événement. Comment tu l'expliques, toi? Parce que en tant qu'amateur de rock, qui aime beaucoup porter des t-shirts de band, il y a beaucoup de kiosques, il y a vraiment un marché autour de cette musique-là, mais je vois moins ça avec la musique électronique, sauf pour l'Igloo Fest, où vraiment on peut distinguer les gens dans la rue qui ont une tuque Igloo Fest. Ouais. Ben évidemment, c'est moins lié à des artistes, c'est vraiment lié à l'événement puis à cette espèce de communauté-là. C'est autant un pique-nique, puis même avec nous, on essaie toutes sortes d'articles promotionnels, des t-shirts, des camisoles, tout ça. Il n'y a rien qui fonctionne autant que la tuque. C'est sûr que dans ce concept-là de se déguiser puis que le ridicule ne tue pas, ben on s'est efforcé au cours de ces 10 années-là. De confectionner des trucs avec des couleurs qui s'agencent plus ou moins bien. Des fois, ils sont plus esthétiques, des fois, ils sont moins. Des fois, des trucs. C'est ça. On sort du lot, puis on veut contribuer à ça, puis on veut que les gens les portent, puis que ça participe encore là, comme tu dis, au concept. Mais il y a un esprit, oui, de communauté. Je pense que le fait de se retrouver en plein hiver, combattre un peu, là. Cette année, c'est plus doux, mais. Ouais, l'an passé faisait vraiment frette, là. C'était des vrais combattants. Ben, c'était brutal. Fait que, pas, il y a un sentiment où t'es là. Hey, on était là, il faisait moins 30, plus le facteur éolien, c'est incroyable, puis t'es, on a eu du fun. Fait que, je pense que ça participe au sentiment d'appartenance et les gens veulent avoir un souvenir. Puis, c'est vrai, on les voit même dans les événements avec des trucs de toutes les autres éditions que les gens reportent fièrement. Puis même si on va dans les coins universitaires, on en voit beaucoup. Oui. Oui, on est content. Puis ça, tu sais jamais avant de l'essayer. Je crois aussi que ça répond un peu à la vocation de l'Igloo Fest, qui est d'amener autant les amateurs de la musique électro que ceux qui s'y connaissent moins et qui viennent fêter. Oui. Je pense que c'est le bon jumelage d'être fan plus de l'événement que des artistes. Et en même temps, c'est tout aussi légitime, tout aussi beau. Oui, mais ça, pour nous, c'est précieux parce que, tu sais, on a des têtes d'affiche, les gens qui suivent la musique électronique aiment notre programmation, mais on veut aussi que cet événement-là aille au-delà de la musique. Puis, il y a bien des gens qui surprennent. À prime abord, c'est pas des fans de la musique électronique, mais ils viennent parce qu'ils entendent parler que c'est une expérience quand même assez unique en soi. Puis quand ils viennent, ils disent « Hey, la musique électronique, c'est pas si mal que ça, c'est rythmé, ça fait danser ». Évidemment, on a besoin de danser l'hiver pour se garder au chaud. Donc, ça permet aux gens de se rallier, puis ben, ça permet aussi de faire connaître la musique électronique à un plus grand bassin. J'ai aussi l'impression qu'avoir beaucoup de spectacles où on attend une chanson, en musique électronique, où il peut y avoir de l'improvisation ou des longs sets, et le fait de danser crée aussi cette attraction-là qui est différente. On n'est pas là en train d'attendre un moment précis. C'est tout le long qui est le spectacle en soi. Oui, puis l'esprit de groupe. Tu sais, à Youfest, là, il y a un rituel. Il y a un rituel de groupe, de gang. Les gens, tu sais, il y a une préparation. Tu vas pas à Youfest comme tu vas à n'importe quel autre spectacle où tu laisses ton manteau vestiaire. Non, il faut que tu t'habilles, il faut que tu sois réchauffé, que ça soit chaud, que tu puisses danser, que ça soit confortable si tu embarques dans la thématique, que ça soit fluo. Fait que les gens se font des soupers ou ils vont au restaurant. Il y a toute cette préparation-là. Il y a une espèce de crescendo de l'ambiance. Puis quand ils arrivent à l'événement, c'est comme le point culminant de leur soirée. Oui. Et Nicolas, je sais que tu t'en rappelles, il y a 2 ans, on a eu une entrevue ensemble à propos des pique-niques et on avait eu une anecdote incroyable sur un perroquet perdu et retrouvé. Ah oui. Là, j'ose croire qu'il n'y a pas d'animaux perdus à l'igloo, sinon j'aurais un petit peu mal à l'âme. Mais est-ce qu'il y a des anecdotes surprenantes, incroyables qui se sont passées à l'igloo? Ben c'est sûr que à chaque année, il y a son lot d'événements un peu loufoques. Je dirais un de ceux qui nous a marqué, c'est les gars de Nose, il y a plusieurs années. Ils étaient venus, eux, c'est des flamboyants. Ils font la fête bien comme il faut. Et ben, il faisait très froid. Les gars se sont ramassés sur la scène, torse nu. Ils se sont ramassés en bobette. C'était le monde, la foule était en liesse. Eux étaient dans le party, mais il y en a un des deux qui a eu une pneumonie au repos. Oh. Ça fait mal. Sinon, je pense qu'il y a 2-3 ans, on avait le Chateaubard Jäger avec une glissade. Et on a eu un voluvite qui est descendu à plat ventre. Un gars qui est descendu à plat ventre tout nu, je sais pas, mais ça devait pas être agréable à certaines places. Ben écoute, dans un langage de hockey, je te dirais, il y a sûrement eu une blessure au milieu du corps. Ouais, ça a échappé à la sécurité. Tout le monde qui l'a vu en parle encore aujourd'hui. Surtout des chicanes de glissade entre adultes. Je trouve ça à la fois drôle et beau. Là. C'est le plus belle chicane qu'on peut avoir l'hiver. Là, comme, arrête de glisser, c'est fini l'événement. Ouais. C'est ça. Fait que... Sinon, il y a plein de trucs qui impliquent du jagger. Personne ne s'est collé une langue sur un poteau, toujours? Non. Ah! Non, ça, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. On a, comme j'allais dire, c'est nous, à l'interne, les serveurs et serveuses qui travaillent dans un bar shooter jagger, ça devient le running gag à chaque année, savoir, bon, c'est laquelle ou lequel se fera prendre au piège de se faire offrir des shooters puis de tomber un peu trop sous. On a déjà ramassé une caisse enregistreuse complètement à l'envers parce que la personne n'était plus en état de travailler. Mais, bon. Mais c'est lourd, une caisse enregistreuse! Elle était tombée par terre! Pardon. En fait, c'était un peu maladroit. C'est ça, la caisse s'est retournée et l'argent... Moi, je suis arrivé devant le bar, puis je voyais qu'il n'y avait pas de serveur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je m'approche, je regarde, puis je vois la pauvre dame au sol. En train de ramasser de la petite monnaie? Ah oui, c'est ça. Puis, non! Avoir de la misère. Mais, bon, et c'est ça. On se prend une fois, puis règle générale, on prend les shooters de rugby après. Oui. Alors sur ce, chers festivaliers, soyez généreux, mais soyez aussi gentils pour la santé physique des serveuses. Hey Nicolas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 10 prochaines années de l'Igloo? Des nouveaux projets? J'ai entendu dire peut-être des projets comme au pique-nique à l'extérieur du pays. Oui, effectivement, d'exporter les gouffets, ça fait partie de notre plan quinquennal. C'est sûr que l'année prochaine, on va surtout se concentrer sur le 375e anniversaire de Montréal. On a des projets spéciaux en branle. On est peut-être en train de mettre sur pied des Olympiades un peu loufoques, réinventées. Fait qu'on, il y a des projets montréalais d'abord, mais oui, on voudrait aller ailleurs. Puis ce qu'on souhaite pour les 10 prochaines années, c'est qu'on ne soit pas rendu trop loin dans le réchauffement climatique, puis qu'il n'y ait plus d'hiver partout dans le monde. C'est une note triste, mais une note tout à fait vraie. Mais on souhaite de toujours être plus conscientisé tout en s'amusant. Et je crois que l'Ego aussi, c'est encore un exemple avec réutilisation, compostage l'été. Faut toujours faire chacun son bout en événement et chez soi. Hey, ben merci beaucoup, Nicolas. C'est vraiment très apprécié. Et allez vous amuser, crowd. C'est bien plaisant, quel que soit ton genre musical favori. Tout à fait. Il reste encore deux week-ends, jeudi, vendredi, samedi. Ça se termine le 6 février. Fait que vous avez encore plein de chances de venir nous voir là-bas et vous amuser. Oui, et c'est samedi Poirier et on va en écouter. Alors, Poirier tout de suite sur les ondes de CISM. Merci. Parce que tu dans le temps, non, hey. T'as juste une casquette, pas ton size. Chatis blanche, l'œil dans du mail. Je vais sur le top, fais ton plein. Prendre la drogue, c'est pas responsable dans le dope gang. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache dans ta cravate? C'est pas des pistaches, rien que des rushs de crack. Les années passées sont pas retournables dans le dope gang. Qu'est-ce que tu fais dans le dope gang? Social Dope, comme le dit si bien Maybe Watson en cette fin de chanson de Torque de l'album Wish Was Her. Je trouve vraiment que c'est un son là, que tu peux hocher de la tête, de mouvements lourds, là, puissants. Et c'est le genre de son qu'on peut bien retrouver à l'Igloo Fest. Et vous avez aussi entendu Robert Charlebois, mais pas exactement seulement lui, puisque c'était l'album qui a été remixé par Poirier. C'est pas physique, c'est électrique. Vous écoutez toujours Critique de Crowd. Merci encore à Nicolas pour cette merveilleuse entrevue. Toujours plus de détails merveilleux à propos de l'événement. Et j'y étais vendredi, le premier vendredi de l'événement. C'était sold out. Il y avait du peuple, je peux te le garantir. Déjà, quand tu rentres sur le site, avant même de rentrer sur le site, il y a de la crowd. Non, je ne parle pas de la file d'attente. Je te parle plutôt comme des espèces de mannequins. Ah, ils me perturbent encore, je pense. Des espèces de mannequins placés en haut dans les espèces de petites cabines. J'espère que je suis claire. C'est des cabines transparentes. C'est illuminé. Ça flash comme un après l'autre de façon frénétique et enivrante. C'était hallucinant. Mais t'as l'impression que c'est des vraies personnes qui dansent. Mais non, ne te fais pas avoir, crowd. Ils bougent pas pour de vrai. C'est la musique et la magie des lumières qui te font avoir. Alors voilà. J'arrive déjà dans la magie, dans le village. Oui, on a mentionné un peu l'aspect de village à l'Igloo Fest, mais c'est parce que c'est un fait. Il y a comme plusieurs sections à l'événement qui s'appelle le village. Il y a comme une forêt enchantée. Et je sais pas si c'est moi qui viens de région, mais... c'est vraiment niaiseux. Mais l'esprit village amenait mon accent de région à décupler. Oh boy! Tu sais, si tu trouves, cher auditeur de CISM, que j'ai un langage coloré, hey boy! À l'igloo, là, c'est... c'est comme... Ah non, c'est pas plus juste qu'un intuplé, là. Mets des exposants assez grands et tu vas un peu toucher à comment mon langage cabochon est plus cabochon de chez cabochon. Je deviens d'une... Je deviens complètement atroce de la parlure, ça n'a aucun sens. Je vais voir le monde, je suis comme « Hey les jeunes, voulez-vous boire de l'alcool? » Avec l'accent, ouais, un accent obscur qui n'existe pas, un vocabulaire de jadis. Vraiment, je me perturbe moi-même tellement. Je suis dans une toute autre ambiance. Je pense que je me prends pour quelqu'un d'autre. Faut se prendre pour quelqu'un d'autre, oui, avec le costume, s'amuser, bien se gueuler, mais crowd, sache-le, ne fais pas comme moi et ne mets pas de tuque orange parce que tous les employés ont une tuque orange. Alors nécessairement, si tu décides de te mettre une capine dans le domaine de l'oranger, là, ça va pas se passer. Mais pas du tout, du tout, du tout, parce que tout le monde va te poser des questions. Tu vas devenir une référence, tu comprendras pas pourquoi. Puis après ça, tu vas saisir. Ah! C'est ça le code! Fait que quand tu n'es pas initié, là, évite l'orange à tout prix, à tout prix, à tout prix, à tout prix. Parce que, voyez-vous, il y a une section Jager avec plein de Jagerettes qui sont de jolies demoiselles qui font comme des parcours, des cartes, des aventures. Moi, j'ai rien compris à leur histoire. J'ai rien compris. Je pense qu'ils leur font faire des défis. C'est compliqué pour moi qui veux juste danser. Et il y a un Français qui m'approche en pensant que j'allais répondre à sa question. Et il me dit... Ah, est-ce que tu serais aussi une Jagerette? Ben oui, Jager, si tu t'es orange, fait que ça marche pas, ça marche pas. J'en dis, ah, non, non, non, moi, je suis pas une Jagerette. Les Jagerettes, c'est les filles avec une capine en minou. Une capine en minou aussi orange. Ben, capine en minou! Capine en minou, ça sonnait drôlement... ben oui, dans ma tête, ça sonnait joli comme terme. Pour un Français... Ça voulait dire beaucoup d'autres choses. Alors, si t'es très... si t'es très peu initié, ouais, minou, pour un Français, ça veut beaucoup dire l'entrejambe d'une femme. Et là, j'ai réalisé. J'ai fait, oh mon Dieu, je viens-tu de dire minou à un Français? Puis là, il me regarde avec un air hébété, puis je sais pas. Je savais pas comment surenchérir ou excuser la situation. Alors, à la place, crowd... Devant quelqu'un que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais, j'ai... oui, j'ai empiré la situation. Au lieu de dire « Ah oui, non, mais celle qui a de la fourrure sur son chapeau », j'ai répondu « Ouais, ouais, ouais, la fille avec une tuque en vagin !» J'ai dit ça dans la vie. J'ai dit ça à quelqu'un, franchement, juste pour assumer ma gaffe. C'était d'un ridicule profond. Et le pire, c'est qu'avec tous les costumes exotiques qu'il y a à l'igloo, ça aurait pas été impossible d'en croiser une capine en appareil géniteur féminin. Et voilà, et voilà, et voilà. Fait que évitez de parler de minous à l'igloo, ça pourrait être... Mettez-vous pas dans le trouble comme Jolene. Non, faut pas. Mais en l'honneur de tous les minous du monde, parce qu'au Québec, on sait qu'un minou, c'est un chat, puis un chat, c'est un minou. Ben, rock ton minou, bébé, les prostiputes. Better. retrouver Dayla Workshop sur les ondes de CISM avec la chanson Le Real du petit minou, Dayla Workshop 2. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Et ben oui, je pensais à vous pour musicalement, chers rockeurs, mais je pensais aussi à vous, rockeurs, à l'Igloo Fest, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre un spectacle de rock et la musique électronique. Déjà, en partant dans la foule qui est énormément dense, comme en festival, oui, les fans finis vont être en avant et vont être tout excités d'être aussi proches de leur DJ favori, autant qu'en arrière. Oh mon Dieu, c'est si beau voir une foule de haut, ça a l'air paisible, tranquille. Doux. Et quand t'es là, live en arrière, dans le fond de la foule, là, c'est un peu chaotique. Mais c'est comme ça aussi dans le rock, c'est ça dans n'importe quel show. Tu sais, la partie où le monde écoute pas, ils ont surtout perdu leurs amis, puis leur mitaine, puis le moins chanceux de la gang a perdu ses amis et ses mitaines. Là, c'est un peu... Oui, ça peut être un peu chaotique quand t'arrives comme ça, tu te dis, wow, oh mon Dieu, il y a de l'action, il y a beaucoup trop d'action. Moi qui pensais me faufiler en twerkant dans la foule, une bonne place en avant... C'est ouais, ça peut être quand même complexe, surtout à y être allé à une soirée sold out. Les déplacements avaient été quelque chose. Même que, à une certaine perspective, j'ai trouvé là, d'une beauté incroyable. C'était similaire, les déplacements dans la foule de la grande scène, à un Wall of Death, mais à la verticale. Oui, les déplacements étaient serrés, denses. La force, tout en restant sympathique, convivial. Il n'y avait pas d'agressivité. Mais le fait que ça soit aussi proche et le déplacement, identique, le monde se fonçait là, comme... Ben oui, comme un Wall of Death dans un show métal, mais pas dans la bonne direction, pas dans le même sens. Tout étroit. C'était très beau, original. Je sais que je suis peut-être la seule dans la foule à avoir remarqué ça, mais ça a fait la différence dans ma soirée. Tout comme les personnes qui bodysurfent, j'en ai vu une. Ça doit être quand même quelque chose de bodysurfing en... Je ne l'ai pas faite, étonnamment, mais de bodysurfing en one suit, parce que c'est quand même moelleux. Tu sais, bodysurfing en tant que monsieur muffler, là, t'es comme... t'es un peu limité dans le type de mouvement que tu peux appliquer dans ton déplacement au-dessus de la foule. Ouais, mais je pense qu'au final, ça doit être quasiment plus agréable que bodysurf, là, comme peau contre peau. Pour une première fois, là, l'igloo, si le monde sont willing, allez-y, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il avait l'air plaisant. Et il y avait quand même du monde qui pouvait aller jusqu'à être assez téméraire. Tu sais, souvent, il y a des filles sur les épaules de leurs copains, de leurs copines, pour mieux voir le spectacle. Oui, c'est souvent plus des filles. Et peut-être aussi des filles font du cheerleading parce qu'il y en avait une, n'était pas juste assise sur les épaules. Elle était debout! Debout! J'avais jamais vu ça avant. Du moins, ma mémoire est pas bonne autrement. Mais non! Carrément debout, j'ai trouvé ça... Ouais, impressionnant, mais je me dis que c'est aussi une athlète. Tu peux pas, comme, style libre, dire ça. OK, à part moi, là, moi, je suis juste dangereuse, là, mais autrement, je pense que ça demande un minimum de technique pour appliquer ça. Mais c'était beau! Encore une fois, très peu de mouvements aussi distincts dans les foules de l'igloo, là, principalement les gens dansent. Mais je trouve que, ouais, c'est un plus assez charmant, assez inusité. Mais quand je dis aussi que la foule est téméraire, faut pas abuser non plus, parce que... Il y avait tellement de monde sur le site où je sais même pas comment le gars a fait pour se rendre jusque-là. Peut-être qu'il était dans la section VIP, puis il est descendu sur le toit du bar. Et je vous ai parlé de Minou tantôt, mais le gardien de sécurité l'appelait comme un chat aussi. Il était comme « Allez garçon, descends! J'ai dit descends! » Comme une grand-mère avec son chat dans un arbre, là. Puis le pompier, il arrive, ça marche pas plus. Le chat, il est comme « Je vais rester là! » Ben oui, lui, il était comme « J'ai une belle vue sur la foule, une belle vue sur la scène. Je danse. » Ouais, téméraire, chez téméraire, pas à peu près, ouais. Des beaux moments comme ceux-là que vous allez peut-être vivre pour les prochaines éditions ou que vous avez déjà vécu si vous êtes déjà allé à l'événement, je vous le suggère bien fortement. Je vous ai dit, hey, crowd, j'ai des billets à faire tirer. Parce que oui, il n'y a pas que l'igloo en fin de semaine. Il y a aussi le Tavern Tour que je n'ai même pas mentionné dans mes suggestions de spectacle. Allez voir la programmation, c'est excellent, c'est la première édition. Et entre autres, il y a Julien Sagot le 6 février. J'ai deux paires de billets à faire tirer. Alors, appelez au 514-343-2476 pour le gagner. Et c'est clairement, ça va être des bons spectacles. Il y a aussi Galaxy, les Marinelli. vie. Et les voir dans des petites salles comme celle-là, c'est sûr que la proximité va être un plus incroyable pour leur performance. Sur ce, je m'appelle Jolaine Ruet. C'est toujours un charme, un honneur d'animer sur les ondes... des ondes FM! Oui, c'est toujours agréable. Merci d'écouter tout mon cabotinage. Vraiment, je suis reconnaissante. Alors sur ça, allez, mets la page Facebook de Critique. Racontez-moi des anecdotes. J'adore ça. Et sur ce, continuez d'appeler pour le concours du Tavern Tour. Et je vous dis surtout à la semaine prochaine en écoutant Julien Sagot. Alors, on va écouter Mot de Mars. À la semaine prochaine. Bye bye. Tame Impala s'en vient à Montréal le 12 juin au Centre Bell. Faites l'expérience du paysage sonore à l'épreuve des genres de Tame Impala Live qui joueront leur nouvel album, Currents. Mettant en vedette les hits Let It Happen et The Less I Know, The Better. En vente ce vendredi 29 janvier à midi. 1-855-310-2525 ou evento.ca. Tame Impala, Centre Bell, 12 juin, présenté par Evento. C'est déjà l'heure du troisième week-end d'Igloo Fest. Venez danser en plein air au son des meilleurs DJ locaux et internationaux. Au platine ce week-end, Black Tiger Sex Machine, Carl Craig et Al Ester, Gina Turner, Heidi, Mister Oiseau, Sébastien Léger et plusieurs autres. Igloo Fest, c'est tous les jeudis, vendredis et samedis du 14 janvier au 6 février au Vieux-Port de Montréal. Pour les billets, rendez-vous sur notre site web ou à notre Igloo Boutique. Toute la programmation au igloofest.ca. On s'y voit! I'm Fiona Bevan and you're listening to CISM. We snatch our time together from the jaws of a bright-eyed tiger. Don't sleep much and wake up tighter, but that's what we need. Cause I could talk to you all night. Touch you, feel you by my side.